بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في حديث 67 66 حديث. إذن حديث باب دو استقبال القبلة فدفع فصل القبلة. يقول عن أنس بن سيرين قال استقبلنا واستقبلنا أنسا رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين فرأيت يصلي على حمار موجه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير قبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. أنس ابن سيرين dit qu'il a rencontré Anas ibn Malik lorsqu'il s'est arrivé au Sham. Sham, c'est le secteur, tout ce qui est vers la Syrie, vers la Palestine, vers l'Irak. La Grande Syrie, ils appellent ça comme ça. Donc il dit, je l'ai vu sur son âne, en train de faire la salat, avec le visage tourné vers sa direction, en indiquant la gauche de la Qibla. C'est-à-dire, sans être en direction de la Qibla. Donc j'ai dit, je t'ai vu faire salat sans être dirigé vers la Qibla. Et Anas lui a répondu, si je n'avais pas vu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le faire, je ne l'aurais pas fait moi-même. طيب يقول الشيخ العثيمين راوي أنس بن سيرين رابورتور سي أنس بن سيرين هو أخو محمد بن سيرين اي سي لو فرا دو محمد بن سيرين الفامو تابعي كي كونو اي اكي parmi les choses qui l'ont rendu célèbre auprès des gens de la masse c'est ses interprétations des rêves رحمه الله تعالى. Et ils ont aussi une sœur, Fatima ibn Sirin, si je me rappelle bien. Et c'est une famille, alhamdoulilah, ils sont tous des gens de science, de façon générale. Les enfants de Sirin, ce sont des gens qui sont rattachés à la science. Yaqul annahu lamma wurida. ذهب به إلى أنس بن مالك فسموه باسمه. Que lorsqu'il est né, il a été apporté vers Anas bin Malik, qu'il a nommé de son propre nom. Anas. وكناه بكنيته. Il est comme connu également Abu Hamza. Donc Anas ibn Malik, Abu Hamza le Sahabi, a nommé, d'accord, également Anas ibn Sirin par son même prénom et lui donné le même kunya que lui, qui est Abu Hamza. Et il est thiqa, c'est il est fiable. Min al-thalitha, dans le troisième tabaka, troisième niveau. Mata sanat 18 wa 120 wa 100. Il est né, ou plutôt il est mort, l'an 118 ou bien 120. Yani aw 20 wa 100, n'am. Soit l'an 120 ou l'an 118. يقول موضوع الحديث بيان حكم استقبال القبلة في السفر إذا كانت الصلاة نفلا. Donc le sujet du hadith est de démontrer le jugement de faire face à la Qibla lors d'un voyage sur une salat surrogatoire. Les choses dont on a déjà parlé dans le ders précédent. يقول في شرح الإجمالي سكن أنس بن مالك البصرة. Que Anas bin Malik habitait à Al-Basra. ولقي من الحجاج ما لقي. Et qu'il a subi de le Hajjaj ibn Yusuf, qui était un gouverneur à l'époque, de la dureté. Fasafara al-Sham liyashku al-Hajjaj ila al-Walid ibn Abd al-Malik. Et qui s'est rendu au Sham pour se faire remarquer des attitudes de al-Hajjaj à al-Walid ibn Malik, donc un autre gouverneur. Thumma raja'a ila Basra fastaqbalahu ashabu. Et lorsqu'il est revenu, ses compagnons l'ont reçu. Wa fihim Anas ibn Sirin. Et parmi eux, il y avait Anas ibn Sirin. فراه يصلي الى غير القبلة وقد جعل القبلة عن يمينه. Et donc il a constaté qu'il faisait la salat sur son âne sans être dirigé vers la Qibla. قال رأيتك تصلي لغير القبلة. Donc il lui a dit je t'ai vu faire la salat sans être tourné vers la Qibla. طالبا استصداح الدليل منه. Pour lui demander justement la preuve de cela. على فعله. فأخبر أنس بن مالك أنه لولا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعله. Donc de là, Anas lui a informé que s'il n'avait pas vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam agir de la sorte, il n'aurait pas fait. Il n'aurait pas fait. Donc là, on constate que Anas ibn Malik est revenu de son voyage et faisait la salat sur son âne sans être tourné vers la Qibla, c'est-à-dire dans la direction où l'âne avançait. Yaqul fi fawaid al-hadith, les enseignements utiles du hadith. Un istiqbal qadim min al-safar kana min a'mal al-salaf. Le fait d'accueillir celui qui revient en voyage, cela était parmi les coutumes des salafs. Thaniyan jawaz al-salat al-himar, qui est permis de faire la salat sur un âne. Et de là, on fait ce qu'on appelle qiyas, analogie, que cela s'applique sur tous les moyens de locomotion que l'on peut avoir aujourd'hui à notre époque. Bien que l'âne existe toujours, mais à ce jour, on ne connaît personne qui entreprenne de voyage sur un âne. Aujourd'hui, les gens prennent les moyens de locomotion rapides et modernes. Voiture, le train, le bateau, les cars, les avions, les. Et ça prend le même jugement. ثالثا انه يشترط استقبال القبلة في السفر اذا كانت الصلاة نفل او نفلا بل يستقبل جهة السير et qu'il n'est pas conditionné de faire face à la Qibla lors d'un voyage pour le salat qui est surrogatoire mais il se dirige en direction de la direction sur laquelle il est pour son voyage quoi. رابعا ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم حجه qui montre que les actes du Nabi صلى الله عليه وسلم sont un argument. خامسا حسن أدب ابن سيرين في تلطفه في سؤال أنس ابن مالك ce qui montre le bon comportement de ابن سيرين أنس dans le tact dont il a fait preuve lorsqu'il a interrogé Anas ibn Malik sur son acte. Et de là on constate cela amène déjà deux points. Le premier, à voir que l'acte d'un compagnon d'un sahabi n'est pas un argument en lui-même. Pour preuve, dans ce hadith Anas ibn Sirin a interrogé Anas ibn Malik. Si jamais l'acte d'un compagnon était une preuve, il n'aurait pas demandé. Il aurait fait comme lui directement. Il l'a demandé. Comment cela se fait que tu as fait cette telle chose? Du fait que nous, on sait que la Qibla, c'est parmi les conditions de la salat. Donc, il a interrogé Anas par rapport à cela. C'est-à-dire, il a demandé la preuve. Donc, ça prouve que ce que fait un sahabi, en soi, n'est pas un argument. Après, les ulama, ils ont mis comme condition que personne qui n'est pas que cet acte ne s'oppose pas à un dalil, chose qui est le cas ici, c'est-à-dire il s'oppose à un dalil de base qui est connu, et là cela nous prouve qu'il y a des exceptions à cette règle-là de faire face à la Qibla. Et deuxième chose, qu'il ne faut qu'il n'y ait aucun autre sahabi, aucun autre compagnon qui ait réprouvé cet acte. C'est-à-dire il faut que tous les sahabas soient d'accord. Si demain un sahabi fait un acte dont on n'a pas de hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas de preuve. Et que cet acte ne s'oppose pas à une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à ses actes ou autre, et qu'il n'y a aucun compagnon qui ne s'oppose à cet acte de ce sahabi, là les ulama disent que son acte est un argument. Mais à la base, l'argument c'est quand dans le kalam du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien évidemment, la parole d'Allah. Et autre chose qu'on prend comme enseignement également, c'est que cela également remet en cause ceux qui rendent permis le suivi aveugle d'une personne, car là, Anas ibn Sirin a demandé à Anas ibn Malik, qui est un compagnon, pourquoi tu fais cela? Il n'a pas suivi aveuglément, il lui a demandé. C'est quoi le dalil? Il lui a demandé correctement, bien évidemment. Car des gens disent qu'il ne faut pas demander, ou c'est un imam, il connaît. Anas ibn Malik connaissait plus que tous les imams réunis qui sont venus par la suite, après lui. Et Ibn Sirin, Anas ibn Sirin était plus savant que nous. Et malgré cela, il a demandé. Donc, cela remet également, est une réfutation à ceux qui prônent cette idéologie de devoir s'affilier à un madhhab, une école juridique, obligatoirement, et de devoir la suivre, sans quoi on rentre dans des marginalités ou on rentre dans je ne sais quoi comme désordre. Donc, ce genre de situation, comme dans ce hadith, démontre le contraire. D'accord? Démontre le contraire. Naam. Fa'ala ladhi khana al-yawm, wa alhamdulillah.